Bonsoir, dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, Adrienne Bolland, la rebelle des ondes. Il y a exactement 100 ans, le 1er avril 1921, Adrienne Bolland était la première aviatrice à traverser la cordillère des Andes. Sa combinaison bourrée de papier journal pour se protéger vaguement du froid, un bonnet enfoncé sur ses cheveux bouclés, l'aviatrice avait grimpé dans son caudron G3, un coucou de bois et de toile ouvert à tous les vents, et avait décollé de Mendoza en Argentine, direction le Chili. Avec entre les deux les terrifiants sommets de la cordillère des Andes, sans carte ni instrument de navigation, bien sûr. Quand, après un vol épique de plus de 4 heures, elle atterrit finalement à Santiago du Chili, l'exploit semble si incroyable que le consul de France, averti, ne vient même pas à sa rencontre, croyant à un poisson d'avril. Des exploits, Adrienne Bolland en réalisera bien d'autres. Aviatrice chevronnée, championne de voltige, mais aussi militante pour le vote des femmes et résistante. Cette femme qui, depuis l'enfance, ne rêve que de deux choses, voler dans le ciel et être libre. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Catherine Monoury, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aviatrice, à 17 ans vous étiez la plus jeune pilote brevetée de France, vous avez été 10 fois championne de France de voltige aérienne et 2 fois championne du monde. Alors je suppose qu'Adrienne Bolland fait partie de vos héroïnes. Absolument, elle m'a absolument toujours fascinée parce que c'est vraiment quelqu'un de libre, quelqu'un d'engagé, quelqu'un qui n'a pas... qui a beaucoup de courage, j'allais dire qui n'a peur de rien. Ce n'est pas vrai parce qu'elle disait elle-même qu'elle avait un petit peu peur, mais qui va... au bout de ses buts, qui vise haut et qui y va. Elle est assez connue, mais pas tellement, finalement, moins que Hélène Boucher, Maryse Bastier ou Jacqueline Auriol, pour ne parler que des pionnières françaises de l'aviation. Comment ça se fait ? C'est un petit peu étonnant, parce que peut-être parce que la cordillère des Andes est loin et que en fait on l'a peu félicité en France, parce que simplement René Caudron, je pense, finalement, qui était son patron et qui lui avait fourni 2 avions pour aller faire sa promotion en fait en Amérique du Sud. C'est peu occupé, on l'a pas cru, le consul de France lui-même ne s'est pas dérangé pour son exploit, et parce qu'il croyait que c'était, vous l'avez dit, 1er avril, il croyait que c'était une blague. C'était quasi impossible, hein. C'était ce qu'elle a fait est vraiment hors du commun, tout à fait extraordinaire, et révèle un instinct extraordinaire, parce qu'elle a su faire ce qui n'était pas courant, c'est-à-dire utiliser les courants pour monter. Elle a passé la cordillère des Andes. Elle n'est pas la première, hein. Elle est la 8e personne, puisque 7 hommes sont passés. La première femme, je crois. Elle est la première femme, bien sûr. Elle est la première femme, mais surtout, elle est la première à la passer aussi à cet endroit aussi difficile, à l'endroit où la cordillère est le plus haute. Elle est passée au plus court. Et ça paraissait impossible parce que c'était plus haut, le col le plus bas était plus haut que le plafond supposé de son avion. Il n'était pas censé aller aussi haut. Bon, avant d'écouter la fiction consacrée donc à Adrienne Bolland, pour planter un peu le décor, Catherine Monoury, vous pouvez nous rappeler ce qu'était l'aviation dans ces années 1910 en France ? C'était qui ces hommes, ces femmes qui avaient envie de voler comme ça et qui y allaient ? Alors au début, ce sont des rêveurs et des sportifs. Avec le moteur, on s'aperçoit que on va pouvoir voler non plus seulement comme les ballons, mais pouvoir aller d'un endroit à un autre, comme les oiseaux, pouvoir décider de ce qu'on va faire et de l'endroit où on va aller. Et c'est la puissance qui donne ça. Ce sont des rêveurs. Et puis, la guerre de 14-18 va provoquer un développement très très important de l'aviation, comme tous les conflits. Et il va falloir inventer des moyens de se défendre et d'attaquer l'adversaire. Donc pendant toute la guerre, il y aura une très grosse évolution. Et à la sortie, il y a des avions qui sont quand même beaucoup plus développés. En 5-6 ans, on a fait beaucoup de progrès. Et c'est l'époque où Adrienne va se retrouver en 1919, tout de suite après la guerre. Et il y a des avions et on se demande ce qu'on va faire de tous ces avions et de tous les pilotes. Et elle est prise dans cette folie d'envie de développer l'aviation, de démontrer, de prouver aux gens que c'est quelque chose d'utile, qui va changer la façon de voir le monde, qui va changer les distances, qui va changer la façon de se déplacer. Et elle sent en elle que c'est son truc, quoi. Elle a l'instinct pour ça. Est-ce qu'on peut dire que ces femmes, ces hommes, ces pionniers de l'aviation, est-ce qu'ils ont joué un rôle capital pour justement les progrès de l'aviation ? Ouais, ils ont joué un rôle capital parce qu'ils ont prouvé que les choses étaient possibles. Ce que va faire Adrienne, pourquoi c'est tellement extraordinaire, c'est qu'elle fait quelque chose d'impossible quelque part. Donc ça peut faire penser à cette phrase de Pierre-Georges Latécoère aussi en 1919, en disant voilà, on a refait tous les calculs, les spécialistes sont unanimes, ce que nous voulons faire est impossible, il nous reste une seule chose à faire, le réaliser, quoi. Catherine Monoury, je propose que nous nous retrouvions dans une trentaine de minutes. Tout de suite, Adrienne Bolland, La Rebelle des Andes, un texte de Corinne Klomp, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire. Réalisation Sophie Picon. Je n'aime pas le passé. Les souvenirs non plus. Rien que l'idée que ce sont des souvenirs, c'est pas gai. Tout remonte en bloc à la surface. Les bons moments un peu, et les mauvais beaucoup. Ceux-là, ils sont sournois comme une panne. Ils ont le chic pour s'imposer, pour débarquer dans votre cœur à l'improviste, sans carton d'invitation. Mais moi, je suis pas du genre à ruminer sur hier. J'ai pas l'angoisse du lendemain. Je carbure au jour le jour. Faut dire que mon présent, il est très présent. Nicky Raffio avance! Et avance! Qu'est-ce qui m'a collé une limace pareille? Si je m'en sors, t'es bon pour la casse. Parole. Si je m'en sors pas, pareil. T'auras de mes nouvelles. Allez, Raffio, c'est le moment de sortir tes tripes. Contrôlera tous que t'as un petit quelque chose sous le moteur. Que t'es un sacré engin. Tu la tiens, ton heure de gloire, à portée d'aile. Avance, bon sang. Cette fois, c'est la bonne. Je vais m'écraser. J'ai froid. Je sais plus où je vais. J'y vois rien. Adrienne, Armande, Pauline, Bolland. Qu'est-ce que tu fiches là? Qu'est-ce qui t'a pris? Ma pauvre fille, tu es dingue. Adrienne Bolland a raison, elle est dingue. Seule aux commandes de son Raffio, un avion biplan en toile et en bois doté d'un moteur poussif de 80 chevaux, elle n'emmène pas large face au sommet vertigineux de la cordillère des Andes. Ballottée par les bourrasques de vent et de neige, l'appareil, un Caudron G3 dont le modèle date d'avant la guerre de 14, vole au ralenti et peine à garder son cap et son altitude. Calme-toi. Calme-toi. Ça ne sert à rien de paniquer sauf à gaspiller ton oxygène. Personne ne t'entend, personne ne va t'aider, à part toi. Allez, Adrienne, du nerf. Pas de raison que tu n'y arrives pas. T'es pas plus bête qu'une autre, ou qu'un autre, et tu le sais. De toute façon, c'est pas la réussite qui compte, mais l'effort qu'on fournit pour essayer d'atteindre son objectif. Courage, ma fille. Haut les cœurs. On peut toujours aller plus loin, plus vite, plus haut. Oui, sauf si tu crèves, imbécile. En ce 1er avril 1921, Adrienne Bolland est un peu jeune pour mourir. Elle n'a que 25 ans. Un peu jeune aussi pour se mettre au défi de traverser la cordillère des Andes. Elle a son brevet de pilote depuis 13 petits mois et seulement 40 heures de vol à son actif. Sa passion dévorante pour l'aviation est toute récente. Elle lui est venue 2 ans plus tôt, à la fin de l'année 1919. La vie, elle ne m'amuse pas du tout. Faut la brûler. Je veux de l'imprévu, des émotions, de l'aventure. La routine, les journées réglées comme du papier à musique, sans façon, merci. Si c'est ça, vivre, je préfère mourir, sur le champ. J'y peux rien, je suis pas comme les autres filles. J'ai de l'ambition. Elles, elles sont soumises. Elles passent de la famille au mariage, avec le sourire encore. Enfin, pour certaines, qu'elles plaisent. Moi, c'est simple, je fous tout en l'air. Les principes, la sagesse, la morale, tout. Faut pas me parler de poupées, d'enfants, ni de cuisine. Je m'en fiche, j'aime pas manger. J'aime le champagne et le jeu. Oui, depuis toute petite. Les jeux de hasard, surtout, ça me fascine. L'idée de laisser faire le destin, de s'en remettre à lui corps et bien, pour rire. Car au fond, ce n'est qu'un jeu. Pas vrai? Comme on dit, plaie d'argent n'est pas mortel. Pas mortel, mais risqué, j'en sais quelque chose. Il m'arrive de perdre. Beaucoup. Souvent. Les amis, je vous demande quelques secondes d'attention. Et s'il vous plaît, l'heure est grave. Si, si. Et les amis, j'ai pris une grande résolution. J'arrête. Les paris, les courses de bourricot, les casinos, les tapis verts, la roulette, fini tout ça. Jurez, je plaisante pas. Je vais faire... Oui, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Ah, c'est malin. J'ai pas de vocation particulière. Je suis pas Jeanne d'Arc. J'ai jamais entendu des voix. Je cherche un métier qui me fasse vibrer et qui soit dans mes cordes. Une carrière peu encombrée par les femmes, c'est important. Aucune envie de me retrouver noyée au milieu d'une foule de collègues du beau sexe. Moi, je me sens une âme de pionnière. J'ai une idée. Une idée du tonnerre! Les amis, écoutez ça. Vous êtes bien assis? Sûr? Accrochez-vous, je vais faire de l'aviation! Automne 1919. À l'époque, en effet, l'aviation n'est pas un secteur très fréquenté par les femmes. La baronne Raymonde de La Roche, la seule pilote encore en activité et la première aviatrice brevetée au monde, s'est tuée quelques mois auparavant lors d'un vol d'entraînement. À une table voisine de ce restaurant de Montparnasse, un homme entend la fanfaronnade de la jeune Adrienne. Il l'aborde. Il a des amis bien placés qui permettront aux 10 premiers aviateurs à s'engager à l'école de pilotage Caudron de faire leur apprentissage au meilleur prix. Il lui laisse sa carte et son numéro de téléphone. Elle a 3 jours pour se décider. Le 16 novembre 1919, Adrienne Bolland devient élève pilote à l'école des frères Caudron, au Crotoys, une ville de la baie de Somme. Agriculteurs devenus constructeurs d'avions, les Caudron ont fondé en 1910 la première école de pilotage du monde. Gaston, le cadet, perd la vie 5 ans plus tard pendant un vol d'essai. Son frère, René, féru de mécanique, reprend le flambeau. Duperrier! Mademoiselle Bolland, je vous présente Duperrier, un de nos mécaniciens, le meilleur, précis, efficace, sérieux, il a toutes les qualités. Ah, me faites pas rougir, patron. Bienvenue, mademoiselle. Je vous sers pas la main, la photo cambouille. Melchiorier. Dites, va falloir arrêter tous les deux avec vos mademoiselles. On n'est pas au bal. Appelez-moi Adrienne, point. Vos désirs sont des ordres, chère Adrienne. Et voici le Caudron G3. Nous l'avons construit ici même, mon frère Gaston et moi, avant la guerre. Il a servi pour un tas de missions de reconnaissance. Un héros, cet oiseau-là. Exact. Le mot n'est pas trop fort. Un avion pareil, c'est peu dire qu'il fait notre fierté. Et celle de la France. Il vous plaît? Oui, oui. Mais... Mais ? Il est énorme. On dirait un monstre. Vous n'avez rien de plus petit ? Hein ? Ben non, désolé, il n'y a que cette taille-là. Et ne vous inquiétez pas, Adrienne, le G3 est très sûr. Il pardonne toutes les fautes de pilotage. Ou presque. Pas vrai, Duperrier ? Et il est facile à manier. Un joujou. La preuve, Jules Védrine s'est posé avec, en plein sur le toit des Galeries Lafayette. Védrine l'aviateur ? Mais il est mort. Hélas, en avril dernier... À bord d'un autre modèle, un bimoteur cette fois. De chez nous aussi, sacré engin. Quand je l'ai vu en photo dans les journaux, écrabouillé au sol, avec ses ailes toutes déchirées. Ben, je vous jure, ça m'a fichu un coup. À Védrine aussi, ça lui a fichu un coup. Un sale coup, même. Eh oui. L'aviation, Adrienne, c'est comme la vie. Il y a de la joie et des larmes. Bon, toujours partante. Vous me prenez pour qui, monsieur Caudron? Une poule mouillée? À la bonne heure. Venez, Duperrier va vous aider à monter dans la nacelle. Avec toutes ces ficelles, ça doit être un drôle de raid pour s'installer là-dedans. Je vais avoir l'air d'un joli paquet. Un vrai saucisson. En effet, au début, ce n'est pas simple. Mais avec le temps, on s'habitue, on n'y pense plus. Suivez-moi, madame... Pardon, Adrienne. Ah non, pas par là. Par là. À l'avant? Vous êtes sûr? Sans l'ombre d'un doute. À l'arrière, c'est ma place. Celle du pilote. Vous, pour l'instant, vous restez devant. Aux premières loges. En avion, J'ai mal au cœur dans les virages. La sale impression d'être sur le point de rendre mes boyaux à chaque instant. Surtout, j'ai peur. Oui, depuis mon premier vol. Je m'en cache pas, ça me gêne pas. Au contraire, la peur est ma meilleure compagne. Elle ne me lâche jamais. On s'arrange très bien toutes les deux. J'adore lutter avec elle et au final la dominer. Là où j'ai peur, je fonce. Dès que je renifle le moindre danger, j'accours. C'est malgré moi. J'ai besoin de trembler. Trembler, c'est vivre. Alors, ce baptême de l'air, Adrienne, ça vous a plu ? Attendez que je vous aide à descendre. N'allez pas vous tordre une cheville en sautant à terre, ce serait ballot. Doucement. Merci. Pas trop de frayeur là-haut ? Ça s'est bien passé ? Mais pourquoi ça se serait mal passé, Duperrier ? Au fond, votre avion, c'est jamais qu'un moteur qui vole. 2 mois plus tard, fin janvier 1920, Adrienne Bolland obtient son brevet de pilote, le premier accordé à une femme après l'armistice. Elle est aussitôt embauchée par la Société des avions Caudron en tant que pilote d'essai pour 3 ans. René Caudron a du flair. Il sait que la présence de cette unique femme pilote constitue la meilleure des publicités pour son entreprise. Celle que ses confrères aviateurs surnomment la « maigrichonne » détient la main, comme on dit dans le jargon du métier. Douée, intrépide, Adrienne réussit les exercices les plus hardis et effectue sans relâche de nombreux convoyages. Adrienne, je vous ai pas dit d'entrer. Non, mais vous ne m'avez pas dit de ne pas entrer. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Je veux un avion. Tout de suite ? Je vais voir si Duperrier... Non, pas tout de suite, tout le temps, je veux un avion. À moi, mon avion. Quoi, faites pas cette tête de curé. La question est simple, la réponse aussi. Vous me dites oui ou vous me dites merde. Oh, je vous jure, si toutes les femmes avaient votre caractère, on vivrait sur une drôle de planète. Hein. Oui, et ce serait pas plus mal. Moi, je parle comme tout le monde pense, j'emploie les mots vrais. J'ai pas le temps de traduire. Bon, cet avion. D'accord, vous l'aurez. Ben voilà, vous voyez, elle est facile la vie. Merci. Vous l'aurez, mais à condition de réussir un looping. Marché conclu. Je vous serre la pince, monseigneur. Adrienne. Oui ? Entre nous, je ne crois pas qu'une femme puisse réussir un looping. Entre nous, monsieur Caudron, je vous parie un appareil que si. À la revoyure ! Après avoir harcelé ses confrères de questions sur l'art de la voltige, Adrienne réussit non pas un looping, mais 2. Elle boucle la boucle une première fois, puis, grisée par son succès, elle oublie de repousser le manche de l'avion et le maintient en position arrière. La voilà repartie pour un tour complet dans les airs. Adrienne, je n'ai qu'une parole. Le Caudron G3 est à vous. Vous m'avez impressionné. Bravo. Quel sang-froid. Décidément, vous êtes une sacrée fille. Ben oui, je sais. Merci. Dans l'aviation, on n'est pas riche. Ça, non. J'ai beau enchaîner les convoyages la semaine, plus les meetings le week-end, je mange pas à ma faim. En l'air, par-dessus le bruit du moteur, j'entends gargouiller mon estomac. Parole. Il fait un de ces tintouins, ce machin-là. Un orchestre à lui tout seul. Avec les autres pilotes de chez Caudron, il nous arrive d'être invités à des pince-fesses. Par le maire ou par une huile de la région, après un vol de démonstration. Comme les occasions sont rares, on a pris l'habitude, les copains et moi, de se remplir la panse à ras-bord. Et puis les poches. 2 tranches de jambon, 2 morceaux de pain, 2 gâteaux. En prévision des vaches maigres. Ce métier, il est pas rose tous les jours. Ça, non. Mais il faut bien faire quelque chose pour vivre. Et moi, je sais rien faire d'autre que piloter. Adrienne Bolland est modeste. Elle sait aussi faire la fête. En août 1920, elle doit se rendre en Angleterre pour y présenter un avion Caudron. Sur un coup de tête, elle change de cap et rallie Bruxelles, où l'attend sa joyeuse bande d'aviateurs. Le lendemain au réveil, elle découvre avec stupeur sa photo à la une des journaux, avec ce gros titre « Une aviatrice perdue dans la Manche ». Toute la nuit, tandis qu'Adrienne cuvait son champagne, la marine, alertée par René Caudron, sondait en vain les profondeurs de la mer. Allô ? Allô ? Adrienne, vous m'avez ridiculisé. aux yeux de la France, de l'Angleterre et de la Belgique par-dessus le marché. Allô ? Adrienne ? Vous m'entendez, bon sang de bonsoir ? Oui, je suis là, monsieur Colleron. Je comprends. Et je m'excuse. Mais en vrai, vous devriez être content. Content ? De quoi ? De passer pour un clown ? Pas fichu de savoir où se trouvent ces pilotes ? Je sais, mais vous m'avez cru morte et... Allô ? Oui ! Je disais, vous m'avez cru morte, mais je suis en vie chez nos amis belges. Sacrée bonne nouvelle, non ? La bonne nouvelle, c'est que vous allez rentrer en France, compris ? Tout de suite ! Avec plaisir, mais... Me dites pas que vous avez abîmé mon avion. Non, non, seulement, voilà, j'ai plus beaucoup d'argent, plus du tout. Est-ce que vous pourriez... Hors de question, moi vivant, vous n'aurez pas un sou. Pas un sou ! Débrouillez-vous ! Pas de problème, monsieur Caudron, c'est vous le patron. Dans ce cas, je vais être obligé de vendre votre rafio au plus offrant. Quoi ? Je vous préviens, si vous... Allô ? Adrienne ! René Caudron finit par céder et lui envoie de quoi rentrer au bercail. Une semaine plus tard, le 25 août 1920, Adrienne Bolland franchit la Manche à bord de son G3 dans le sens France-Angleterre. Elle est la deuxième femme pilote à réaliser cette traversée, 8 ans après l'américaine Harriet Quimby, qui l'a effectuée en sens inverse. Grâce à cet exploit largement médiatisé, Adrienne multiplie les vols de démonstration et accroît la renommée de la société Caudron. Seule ombre au tableau, l'enfant terrible de l'aviation commence à s'ennuyer. Aïe ! Saleté, va ! Merde ! Adrienne, qu'est-ce que vous faites ? Je m'achète un chapeau, ça se voit pas ? Ce qui se voit, c'est que vous allez vous blesser. Allez, laissez-moi faire. La mécanique, c'est mon rayon. Pas besoin d'être Einstein pour piger que la magnéto est foutue ? Je sais, c'est l'enduit qui est pas bon. Vous inquiétez pas, j'ai commandé une magnéto neuve. Mais elle va arriver quand ? À la Saint-Glinglin ? Demain. Ben voyons. Et en attendant, je tricote ? Par exemple. Vous pouvez lire le journal aussi. Vous avez vu celui de ce matin ? Pourquoi ? Je suis en photo en première page, on annonce encore ma mort ? Ah, la vôtre, non. Mais il y a à nouveau un gars qui s'est cassé la gueule dans la cordillère des Andes. Ça vous dit pas d'aller faire un autre cadavre là-bas ? Pourquoi pas du Perrier ? C'est une idée. Non, non et non ! Monsieur Caudron, allez quoi ! Un beau geste ! J'ai dit non ! Vous êtes sourde ? Vous ne m'en croyez pas capable. Oh, au contraire, je vous crois capable de tout. Alors dites oui ! Non ! Pourquoi ? Adrienne, vous avez regardé sur une carte à quoi elle ressemble, votre cordillère des Andes ? Non, je sais pas. Eh ben moi j'ai vu. C'est pas large et c'est très haut. Vous commencez à me courir avec votre cordillère. J'ai jamais dit que je voulais la traverser, j'en sais fichtre rien. Et alors pourquoi vous voulez partir en Amérique ? Pour changer, pour voir. Réfléchissez, monsieur Caudron. Là-bas, je pourrais montrer vos avions, effectuer un tas de vols de démonstration... Et puis, une femme pilote, jeune, française, tourbillonnant dans les airs. Ça vous fera une jolie publicité. En plus, ça vous fera des vacances. Des vacances ? Ben oui, 2 mois. Vous êtes toujours à vous plaindre que je sème la pagaille, que je vous cause des migraines avec mon fichu caractère, etc. Faudrait savoir. Bon, si vous y tenez, on va s'en occuper. Le 4 décembre 1920, Adrienne Bolland et le mécanicien Duperrier quittent la France à destination de l'Argentine à bord du Victor Manuel. Dans la cale se trouvent 2 avions G3 démontés pour l'occasion. Auparavant, René Caudron a pris soin de faire mousser le voyage de l'aviatrice. Il a laissé entendre qu'elle pourrait profiter de son séjour en Amérique du Sud pour tenter la traversée des Andes. À leur arrivée à Buenos Aires, Adrienne et Duperrier sont accueillis par une foule de curieux et de reporters. Adrienne ? Adrienne ? Allez, debout ! Il est presque midi. Oh, Duperrier, pitié, pas de lumière. J'ai mal aux yeux. Qu'est-ce que vous avez dit aux journalistes hier soir ? Moins fort. J'ai un tambour qui me cogne dans le crâne. Qu'est-ce que vous leur avez dit ? Je sais plus. Lisez. Là. En première page. Où ça ? Ah oui. Adrienne Bolland est venue pour passer la cordillère des Andes. Ah bah voilà. C'est écrit noir sur blanc, j'ai dit ça. Je me souviens pas. Ça doit être le champagne. Oh. Il était bon. Frais. avec des bulles bien fines. Adrienne, moi je suis pas venu ici pour me faire foutre de ma gueule. Faut que vous preniez une décision, tout de suite. Y a rien à décider, Duperrier. Je vais le faire et puis c'est tout. Vous allez franchir les Andes à bord d'un G3 ? Ça va pas, non. Avec ce Rafio et ses 80 malheureux boricots, je suis pas dingue. Alors quoi ? Bah c'est pas compliqué. Je vais télégraphier à Caudron, lui demander un meilleur zinc. Il me l'a proposé avant de partir au cas où. On l'aura d'ici 2 mois. Vous pouvez me faire monter du café ? La réponse de René Caudron lui parvient sans tarder par le biais d'un télégramme laconique. Prenez décision vous-même, impossible d'envoyer autre avion. En Argentine, la pression monte autour de l'aviatrice, les journalistes et le public s'impatientent. Ils la défient de passer à l'acte. De leur côté, les Français de Buenos Aires l'exhortent à renoncer. Personne ne la croit capable de réaliser un tel exploit. Entrez. Ça y est, vous faites votre valise, on rentre en France. Passez-moi le pantalon, sur le cintre, là. Je suis comme vous, Duperrier. Je veux pas qu'on se fiche de ma pomme. Merci. Avec moi, j'emporte un peu de l'honneur de l'aviation française. Pas question de me dégonfler. Adrienne, me dites pas que vous allez partir... Tant pis pour Caudron et son fichu zingue. Je pars avec mon bon vieux G3. Vous plaisantez ? Pas du tout. D'ailleurs, il est déjà parti comme un grand, en chemin de fer. Il m'attend à Mendoza. Ensuite, on passe la cordillère, lui et moi, et on rejoint Santiago au Chili. Voilà. Mais cet engin n'est pas capable de... C'est de la folie ! Non, de l'inconscience. Attention, de l'inconscience consciente. Comme disait ce bon vieux Descartes, ne jamais croire que c'est perdu et ne jamais croire que c'est gagné. Très bien. Je vais préparer mes affaires. Vous m'accompagnez à Mendoza ? Qui c'est qui va le mettre en route, votre Rafio ? Le pape ? Je n'aime pas les verbes qui commencent par re. Renoncer, reculer, regretter, se reposer. Quelle horreur. Le jour où on pourra me recadrer, je serai morte. En attendant, je vis. Et pour moi, la vie, elle est valable quand on la risque pour une chose qui en vaut la peine. Ou quand on la met au service des autres. Je l'ai dit sur tous les tons, je veux plus voir personne. Excusez-moi, vous êtes Adrienne Bolin, l'aviatrice ? Et vous êtes qui ? Encore une de ces rabat-joie qui vient m'annoncer que je vais me casser la gueule dans la cordillère ? Merci, je suis au courant. Non, mais je dois vous parler. Pas le temps, pas envie, bonsoir. S'il vous plaît, madame. Adrienne. Pardon, Adrienne, s'il vous plaît, c'est important. Écoutez-moi, j'allume une cigarette. Le temps que je la fume, vous me racontez vos salades, et après, vous me fichez la paix. Entendu ? Merci. En avion, quand vous survolerez la cordillère, à un moment, vous serez dans une vallée. Une grande vallée qui part vers la droite. Vous verrez un lac. Vous ne pouvez pas vous tromper. Il a la forme et la couleur d'une huître. Si, je vous assure, une huître. Vous aurez envie de tourner à droite parce que l'horizon est plus dégagé. Il ne faut pas. Surtout pas. Il faut aller à gauche, vous m'entendez ? Même si les montagnes vous font peur, même si elles semblent trop hautes, n'hésitez pas une seconde. Foncez à gauche. Il y va de votre vie. Dirigez-vous vers une montagne dont le sommet fait comme un dossier. Un dossier de chaise, mais renversé. Vous trouverez un passage et tout ira bien. Voilà, j'ai fini. Vous connaissez la cordillère ? Vous avez déjà volé à cette altitude ? Ah non, pas du tout. Je n'ai jamais pris l'avion. Ah, je vois. Vous êtes zinzin. Non plus. Je suis médium. Un peu. Le lendemain, Adrienne Bolan et son mécanicien quittent l'hôtel majestique de Buenos Aires et rallient Mendoza en train. Une fois sur place, l'aviatrice part avec son G3 reconnaître les premiers contreforts de la cordillère. Le temps est exécrable. Le spectacle de l'énorme barrière rocheuse, dont les sommets oscillent entre 4000 et 6500 mètres, la remplit d'effroi. En fait de montagne, elle n'a jamais survolé que les collines de Picardie. Le 1er avril 1921, le ciel est découvert. Adrienne décide de tenter la traversée. Pour se protéger du froid, elle dispose sous ses vêtements plusieurs couches de papier journal. Lorsqu'elle arrive à l'aube sur le terrain de Los Tamarindos, la foule est nombreuse, mais l'ambiance lugubre. Qu'est-ce qu'ils ont tous à sangloter? Je suis pas encore morte. Duperrier, vous avez vérifié la magnéto? Elle est toute neuve. Comme moi. Et vous avez 9 heures d'essence. Au cas où faudrait faire demi-tour. Très drôle. Bon, de mon côté, j'ai tout. Mes lunettes, un poignard. Parfaitement, pour me défendre contre les condors, on ne sait jamais. Ah, et un oignon. Un oignon? Pour lutter contre le manque d'oxygène. C'est le paysan là-bas qui me l'a donné. Il m'a dit de le manger pendant le vol. Je vais sentir bon à l'arrivée. Au fait, vous avez décidé? Vous allez passer par le sud comme les autres? Ah non, je veux pas passer par où des pilotes se sont tués. Ça va me porter la guigne. Vous allez faire quoi? La ligne droite, tiens. Direct sur Santiago. Quitte à se lancer dans une folle aventure, autant réaliser une première. Non? Mais vous savez où c'est, Santiago? Oui, à peu près. Attendez, je vais demander à mon copain paysan. Hola, amigo! Santiago, ¿dónde está? Por allá. Par là? Muy bien. Muchas gracias. Ben voilà, je vais par là. Avec un peu de chance, le soleil va me guider. Adrienne, vous êtes sûre? Allons. Encore un autre qui arrive en pleurant. C'est le directeur de l'hôtel. Ce matin, il était dans tous ses états en m'apportant mon café. Duperrier, vite. Aidez-moi à monter dans ma cage à poules. Et mettez le moteur en route par pitié. Sinon moi, dans 5 minutes, je ne pars plus. Adrienne Bolland s'envole de Mendoza à 6h du matin. Sans carte de navigation, sans boussole, sans pare-brise et bientôt sans lunettes. En effet, peu de temps après le décollage, elle essaie de les desserrer mais l'élastique casse net. Elle doit se contenter de piloter à l'œil nu. Malgré tout, la première partie du vol se passe bien. L'aviatrice arrive au-dessus du village d'Uspallata, situé à 2000 mètres d'altitude dans la province de Mendoza. Ce que je préfère dans le fait de voler. Sans hésiter, la liberté. En l'air, je n'ai plus aucun contact avec la terre. Je suis le seul maître après Dieu, s'il existe. Je vole où je veux, comme je veux. En rase mode, par exemple, c'est défendu. C'est merveilleux, les choses défendues. Ou bien, je saute les arbres, les ponts, tous les obstacles. Enfin, presque. En matière d'obstacles, la cordillère des Andes offre le choix du roi. Adrienne Bolland se trouve soudain confrontée à des vents d'une violence extrême. Ils soulèvent la neige des sommets, créant dans le ciel bleu une tempête qui secoue le frêle avion. À plus de 3800 mètres, le Caudron G3, avec ses maigres 80 chevaux, a l'énergie d'un asthmatique. Incapable de dépasser les 50 km/h, par moments, il recule sous la tourmente. Pour gagner de l'altitude, l'aviatrice s'approche des parois des montagnes. L'avion monte, un peu, jusqu'à 4280 mètres, il n'ira pas plus haut. Adrienne doit au plus vite trouver une brèche et passer entre les sommets, à défaut de les franchir. À tout moment, les vents menacent de la projeter contre les murailles abruptes. Courage ma fille, haut les cœurs. On peut toujours aller plus loin, plus vite, plus haut. Oui, sauf si tu crèves, imbécile. Allons bon, qu'est-ce qui se passe? J'entends plus le moteur. Ah, bravo, Duperrier. Champion, le mécano. À cause de lui, je vais me casser la figure au fond d'un lac. Tiens, il est joli, ce lac. Vous verrez un lac. Curieux. On dirait une... Il a la forme et la couleur d'une huître. Une huître? Ma parole, c'est le lac de l'eau de Zinzin. Et là, c'est la montagne avec le dossier de chaise renversé. Adrienne, non. Toi qui mènes ta vie au pifomètre, tu vas pas écouter une voyante. Il va de votre vie. Pourtant, l'aviatrice va suivre les conseils de la médium. Elle vire à gauche, en direction de l'impressionnante paroi rocheuse. Elle finit par trouver un goulet étroit et parvient à s'y faufiler. Peu à peu, le couloir s'élargit, les vents faiblissent, le caudron se stabilise. L'océan apparaît bientôt comme un mirage, avec au loin la plaine de Santiago du Chili. Adrienne Bolland a gagné. Le 1er avril 1921, elle est la première femme pilote à franchir la cordillère des Andes. Sur Terre, je suis insupportable, paraît-il. Dans le ciel, je suis différente. L'avion me donne accès à mon royaume intérieur, à des émotions, des sensations, des plaisirs jusque-là inconnus. Un univers que personne ne pourra me prendre. Jamais. quelque chose qui ressemble au bonheur. Après 4h15 d'une folle traversée, Adrienne Bolland se pose au Chili, sur le terrain militaire de Los Espejos, au centre d'un triangle délimité par les drapeaux chiliens, argentins et français. Elle reçoit un accueil triomphal. Tout le monde est là pour la féliciter, sauf les Français. On doit l'extraire de l'avion tant elle est faible. On lui propose du champagne, mais une fois n'est pas coutume, l'aviatrice frigorifiée demande du café et un miroir. Le reflet que celui-ci lui renvoie est presque aussi effrayant que les sommets de la cordillère. On ne distingue plus ses yeux dans son visage gonflé, maculé du sang qu'elle a perdu à cause de l'altitude. Une infirmière lui retire des caillots dans le nez et dans les oreilles. Épuisée, Adrienne s'endort sur place à l'aérodrome. Elle ne se réveille qu'à son hôtel de Santiago. Qui c'est ? Hyacinthe Aristide Lefebvre-Méol, chère madame. Connais pas, cher monsieur. Oui, pardon. Je suis le ministre de France, au Chili. Ah, c'est à cette heure-ci que vous arrivez ? À 5h du soir après la bataille ? J'ai cru qu'il n'y avait pas de Français à Santiago. Madame, je vous prie d'accepter mes excuses. Comprenez-moi, lorsqu'on m'a dit qu'une Française avait traversé les Andes dans l'avion, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une blague, hein ? Nous sommes le 1er avril, n'est-ce pas ? J'ai cru à un poisson. Ah, mais vous avez raison, c'est un poisson. C'est même tellement un poisson qu'il est dans l'eau. Je suis désolé. Puis-je vous offrir quelque chose ? Un peu de fleur d'oranger. Vous n'auriez pas du champagne ? De retour en France, Adrienne Bolland se fait renvoyer peu après par René Caudron. Il vient d'épouser une femme jalouse qui voit en l'héroïne de l'aviation une rivale potentielle. Adrienne intègre la société de propagande aéronautique et s'achète un Caudron C-127. En 1924, elle rencontre Ernest Vinchon, un pilote avec lequel elle commence, selon ses dires, par s'engueuler. Ils se marient 6 ans plus tard. 1924 est aussi l'année où elle effectue 212 loopings en 72 minutes. Un record mondial féminin inégalé à ce jour. Elle s'arrête à cause de l'avion. Il résiste moins bien qu'elle. Malgré ses nombreux exploits, Adrienne ne parvient pas à trouver l'argent nécessaire pour effectuer un nouveau raid aérien. Je suis sûre que beaucoup de femmes aiment l'aviation. Faites vos jeux, mesdames et messieurs. Mais je ne suis pas sûre que l'aviation aime beaucoup les femmes. J'ai bien dit l'aviation, pas l'avion. L'avion aime tous ceux qui aiment voler, sans distinction de sexe, d'âge ou de couleur de peau. L'aviation, c'est une autre histoire. Pour une femme, c'est très difficile. Déjà, elle est payée moins qu'un homme, sans compter les obstacles administratifs qu'on lui glisse dans les pattes. Pas de cadeau, ça non. Mais je garde espoir. Un jour, ça va changer. Le 31 mai 1926, la Commission internationale de navigation aérienne autorise les femmes à piloter des avions sur les lignes commerciales, mais elle déconseille aux compagnies naissantes de leur confier des passagers. Adrienne se retrouve définitivement écartée d'un emploi salarié stable. Pour survivre, elle se livre avec son mari à une promotion aérienne effrénée. Elle court les meetings, les baptêmes, un métier d'amuseur de l'air qui ne l'amuse plus beaucoup. À 7 reprises, elle frôle la mort en vol et réchappe par miracle à de spectaculaires accidents. Des accidents ? Des sabotages, oui. Mon pauvre Rafio, il en voit de toutes les couleurs. Tantôt on lui cisaille un câble, tantôt on lui trafique les soupapes. J'ignore qui et pourquoi. Par jalousie, sans doute. Ou à cause de mon amitié pour Jean Moulin. Une femme engagée, sur terre comme dans les airs, n'a pas tout pour plaire. Dès 1934, Adrienne Bolland milite aux côtés des aviatrices Hélène Boucher et Maryse Bastier pour le droit de vote des femmes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle entre avec son mari dans la résistance et rejoint le réseau Castille du Loiret. Éternelle rebelle, elle finit par s'éteindre le 18 mars 1975, à presque 80 ans, 9 ans après son cher Ernest. À Paris, sur la terre ferme. Je ne connais toujours pas la femme que je suis. J'essaie de la connaître. Je pense être un mélange, comme tous les humains. Avec du mauvais, du moins mauvais, de l'abominable, et peut-être un petit côté merveilleux. Oh, et puis merde, j'en sais rien. Il faut m'aimer comme je suis, ou ne pas me voir. Adrienne Bolland, La Rebelle des Andes, de Corinne Clompe, avec Adrienne Bolland, Pauline Ziadé, René Caudron, Olivier Balazuc, Dupérier, Florent Houlier, la médium, Daniela Lab Cabrera, le consul de France au Chili, Jacques Mazeran, et les voix de Julie Font-Roger et Cyril Labbé. Bruitage, Bertrand Amiel, prise de son, montage et mixage, Manuel Couturier et Manon Houssin, assistant à la réalisation, Vivien Demeyer, réalisation, Sophie Picon. Vous écoutez France Inter, Autant n'emporte l'histoire. Dans quelques minutes, on reprend la discussion sur Adrienne Bolland avec mon invitée Catherine Monoury. Northwest, Where You Find Me, sur France Inter, Autant n'emporte l'histoire, est réalisé par Antoine Dabrowski, assisté de Christiane Alain Favre, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Mehdi Fatah. Catherine Monoury, quand on voit la vie d'Adrienne Bolland, on se dit que c'est vraiment un miracle qu'elle ait vécu jusqu'à 80 ans. Elle est morte en 1975 dans son lit. Tout au long de sa vie, elle a frôlé la mort des milliers de fois. Elle a eu beaucoup de chance. Elle a eu de la chance et puis certainement un talent particulier pour se débrouiller. Elle garde jusqu'à la fin de sa vie, on dit que c'était encore une pile électrique tout à fait à la fin de sa vie, elle garde un niveau d'énergie, de liberté d'esprit, d'engagement. Je pense que cette espèce de foi au service de toutes ces causes l'a menée très loin, oui, elle a été formidable. Et un franc-parler aussi. Et un franc-parler. Mais vous savez, elle me fait penser au général Valéry André, première femme générale de notre armée de l'air, qui ensuite a beaucoup travaillé à la cause des femmes. Des gens qui sont tournés vers les autres, qui sont toujours intéressés par quelque chose, qui sont extrêmement vivants. Une femme formidable, de cette trempe-là, comme il y en a eu quelques-unes, hein, c'est les vraies pionnières. Alors, des avions comme celui d'Adrienne Bolland, son fameux Caudron G3, en bois et en toile, est-ce que vous en avez déjà volé, vous ? Je n'ai pas volé dessus, mais j'adorais essayer, hein, si l'occasion se présente, mais il n'y en a pas beaucoup qui volent. Hein. Mais c'est un avion léger, très lent. Il faut souligner imaginer que Adrien Bolland, son exploit, je disais, quelques hommes l'avaient réussi, mais avec des avions plus puissants, 110 chevaux, elle part avec 80 chevaux et un avion qui va pas plus de 110 km à l'heure, c'est-à-dire qu'avec les vents, elle peut même reculer. C'est un avion qui est quand même dur à piloter. Des cordages, vous n'avez pas de pare-brise, par exemple. Elle est vraiment à l'air. Quand elle dit qu'elle perd ses lunettes, vous imaginez ce que c'est d'être, même à 110 km heure, dans un froid épouvantable. On peut imaginer crispée avec l'altitude, le cerveau quand même un peu ralenti, on a du mal à prendre les décisions. Gelée, elle saigne du nez, enfin c'est beaucoup de mal. Et l'avion, eh bien, il tient le coup, il est solide, parce qu'avec ses petits cordages, il tient le coup quand même. Mais il faut, par exemple, il n'y a pas d'aileron. Donc avec son manche à balai, elle a beaucoup de mal parce qu'il faut quasi donner une torsion à l'aile pour pouvoir virer. C'est un avion assez sûr finalement, mais quand même pas si facile que ça à piloter. Hein. Ça demande beaucoup d'énergie. Il faut de la force physique pour piloter un avion comme ça. Oui. Il en faut un peu. Il n'y a pas besoin d'être extrêmement costaud, mais il faut beaucoup d'énergie. Je pense qu'elle a cette énergie des nerveux là. Elle y arrive parce qu'elle veut passer. On se rend bien. Il faut qu'elle passe. Ça, on l'entend bien. Hein, on l'entend bien. Mmh. Oui. Il faut qu'elle passe. Et il faut avoir le culot d'aller se coller contre cette paroi en se disant que les vents ascendants vont vous monter. C'est épouvantablement stressant. C'est très qu'elle a fait sur le plan psychologique en plus du plan physique est incroyable. Moi qui suis terrorisée avec 300 chevaux pour aller à Méribel, vous comprenez bien que là je suis complètement ébahie. Ouais. C'est fou quand même. Elle est vêtue d'une espèce de pyjama, quoi, comment appeler ça autrement, avec des papiers journal à l'intérieur pour rembourrer. Un pyjama de soie, du papier journal pour couper le froid et sa combinaison de vol. Elle n'a même pas des vêtements corrects, quoi. Je crois qu'elle ne réalise pas à quel point elle va être gelée, à quel point ça va être dur, combien de temps ça va durer, parce que 4 heures dans un froid comme ça, c'est quand même extrêmement long. C'est d'ailleurs pour ça sans doute qu'elle s'endort à l'arrivée et puis qu'elle a du mal, elle peut presque plus parler, elle peut pas se reconnaître, il faut la nettoyer, il faut. Je pense que physiquement elle a risqué gros, hein, même en dehors du passage de l'avion qu'elle a pu se fracasser à tout instant. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle part sans carte, sans rien, elle a aucun moyen de prévenir qui que ce soit, aucun moyen de savoir où elle va, à part son instinct. C'est Oui, le paysan argentin qui lui dit c'est par là. pas de problème, j'y vais avec un avion qui est pas capable normalement de le faire. Mais elle ne se dégonfle pas, ça fait partie de son truc, elle a dit qu'elle irait. Mais vous savez, quand on dit qu'elle est dans sa chambre d'hôtel toute seule à ruminer, j'ai préparé des compétitions, c'est moins important, mais on a besoin d'être seule comme ça. Elle emmène pas large, et moins elle emmène large, plus elle a décidé qu'elle irait. Mais elle sait qu'elle prend des risques énormes, bien sûr. Mm-hmm. Alors les sensations qu'Adrien Bolland raconte, elle l'a beaucoup raconté, hein, d'ailleurs, ce qu'on a entendu est véridique, c'est vraiment ces mots. Est-ce que vous-même, Catherine Monory, en tant qu'aviatrice, vous les avez vécues? Bon, pas évidemment dans une traversée de la Cordillère des Andes, mais cette espèce de désir de voler, cette espèce d'envie comme ça, une espèce de drogue presque, hein, quand elle le raconte, je ne sais pas comment vous oui, c'est difficile de se comparer parce qu'on est devant quelque chose de tellement fantastique, on a du mal, mais à plus bas niveau, oui, j'ai connu ce désir puissant, à la fois de voler, de donner le meilleur de soi-même. Je pense que ce qu'elle fait, c'est une forme de compétition avec elle-même. D'ailleurs, elle recommence tout le temps quand elle fait 212 loopings. Enfin, c'est folie furieuse. C'est hallucinant. Une heure et un quart de looping, franchement. Mais on a une espèce de besoin d'y retourner. Et moi qui fais beaucoup de compétitions, c'était quelquefois tellement dur dans la préparation et dans le stress avant que je n'en ai pas fait une sans me dire jamais je ne recommencerai. Et puis, je l'ai fait pendant 20 ans. J'y suis toujours retournée. Tourner accro à ça sans pouvoir expliquer, à part le fait, elle le dit elle-même, elle dit « je découvre mon royaume intérieur ». Catherine Monory, je voudrais vous montrer une photo là, une photo d'Adrien Bolland que je trouve vraiment très belle. Elle est publiée dans le livre de Bernard Marc, un très bon livre d'ailleurs, ce livre s'appelle « Elles ont conquis le ciel », c'est publié chez Artaud. Alors cette photo, elle date de 1921, Adrien Bolland a 26 ans, donc à peu près. Moi je trouve cette photo étonnamment moderne, elle a dans le regard d'abord, elle est étonnante, elle est dans son avis. Et on a son visage comme ça de face, avec les cheveux totalement ébouriffés, et elle a un regard, mais d'une joie, d'un bonheur de vivre. C'est étonnant, non ? Absolument, et ça exprime beaucoup, je crois, la liberté. C'est-à-dire que je suis comme je suis et que personne ne vienne me dire ce que je dois faire. Elle est heureuse, ça se voit, elle s'amuse. Elle dit bien que toutes ces choses qui sont très dures à faire donnent du supplément de vie à la vie, je dirais, parce que l'esprit d'aventure est là, dans son courage et dans sa liberté de ton. L'esprit et aussi le corps, je dirais, hein, parce que quand on voit les photos de ces aviatrices de cette époque, elles ont aussi un style, une gestuelle, je dirais. Elles s'habillent dans des vêtements d'hommes, elles ont des gros pulls à col roulé, des blousons de cuir. Voilà. On les voit qui sortent de l'avion, on voit leurs jambes, elles s'en fichent quoi. Elles s'en fichent complètement, elles sont à l'aise, elles travaillent avec des hommes. C'est le côté un petit peu pionnier, travailler avec des hommes, ça leur paraît naturel. Et c'est naturel, c'est quand même extraordinaire que les femmes aient dû tellement se battre pour pouvoir vivre normalement. Oui, pour nous c'est naturel, pour nous, mais à l'époque ça n'était pas. Mais pour elles, elles savent déjà quelque part que c'est normal et que ça viendra, elles disent ça viendra. Et elles s'engagent dans tous les combats, c'est ça qui est très bien hein, dans le féminisme, notamment, bien sûr. Entre autres, oui. Alors je vous propose, Catherine Monory, d'écouter la voix, la vraie voix d'Adrienne Bolland. C'était le 27 juin 1951, lors d'une cérémonie en honneur de Jacqueline Auriol, une autre grande aviatrice, elle de l'après-guerre. Adrienne, qui est déjà une dame d'un certain âge, est parmi les invités de marque. Elle est interviewée, vous allez l'entendre, par un journaliste un peu falot, un certain Raymond Marcillac, quand même. Donc l'ancienne aviatrice, fidèle à sa réputation, ne mâche pas ses mots. Nous approchons maintenant d'un autre grand nom féminin de l'aviation, et c'est à Adrienne Bolland que nous essaierons de poser des questions concernant ce record. Ce record est splendide et je souhaite qu'elle ait encore une très longue carrière. Elle peut faire des choses magnifiques et entraîner beaucoup de femmes. Malheureusement, c'est très difficile, n'est-ce pas, maintenant, de faire de l'aviation. C'est le drame de l'aéronautique, de l'aviation privée. Ah oui. Vous savez, les hommes en souffrent aussi. Ah oui, mais enfin, pour les femmes, alors c'est devenu encore une chose impossible. Impossible. En tout cas, vous seriez d'accord, alors vous, pour que beaucoup de femmes volent, alors? Ben oui, mais qu'on leur donne des facilités pour voler, n'est-ce pas? Parce que sinon, c'est un métier impossible. Moi-même, j'ai dû me débarrasser, vendre mon avion, parce que je ne pouvais même plus en faire un métier. Maintenant que Mme Auriol a montré ce que pouvaient faire les femmes, peut-être que les pouvoirs publics se décideront à le comprendre. C'était donc Adrienne Bolland en 1951. C'est beau, non? Cet hommage comme ça qu'elle rend à sa successeuse, je sais pas comment on dit. Pas de jalousie. Pas de jalousie, c'est ça qui est extraordinaire. Ce sont des modèles sur la façon dont il faut vieillir, parce que se retourner vers les autres, aimer ceux qui suivent, être émerveillé par les exploits des suivants, c'est chacun s'appuie sur les épaules des prédécesseurs qui sont des épaules de géants, parce qu'elle, elle a fait énormément pour l'image qu'on peut avoir d'une femme. Pauvre petite chose qui s'évanouit à chaque... dans la cordillère des Andes, elle s'est pas évanouie, même si elle a eu peur. Donc, elle a fait certainement beaucoup. Et donc, sur la place des femmes, elle dit des choses assez importantes, là. Elle pourrait être aigrie, mais elle l'est pas vraiment en même temps. Elle dit que, voilà, qu'on sait que les pionnières étaient nombreuses au début de l'aviation, mais dans l'entre-deux-guerres, dès que l'aviation commence à devenir une affaire un peu sérieuse, militaire, commerciale, là, au revoir mesdames. Oui. Parce qu'en fait, au départ, il y a des femmes. Il y a des femmes, elles pilotent aussi bien que les hommes, mais on va les écarter. Il faut être de sexe masculin ensuite, même pour entrer à l'ENAC. C'est l'École nationale d'aviation civile. C'est une de mes amies, Patricia Fener, qui est rentrée la première, mais c'est son père qui, en, je pense, 74 ou 75, a dû demander au Premier ministre de retirer cette phrase du bulletin d'inscription à cette école. Sinon, elle ne pouvait pas. Elle a été la première. Elle est pilote elle est commandante de bord sur 380 maintenant. C'est finalement pas si vieux que ça. L'évolution s'est faite grâce à des femmes comme elle, comme toutes celles qui ont suivi, et les femmes ont pu avancer petit à petit jusqu'au dernier bastion qu'ont été l'armée, la chasse, parce qu'on voulait pas faire des pilotes de chasse. Pilotes de chasse, c'était le dernier, la première très connue, Caroline Aigle. Et maintenant, les portes sont ouvertes aux femmes. Il y a beaucoup de femmes à Air France. Culturellement, il y a un petit peu moins de femmes peut-être encore qui se décident, mais maintenant, les femmes peuvent être partout. Vous continuez à voler, Catherine Monory? Oui, absolument. Je continue à adorer ça aussi. Merci beaucoup, Catherine Monory. Autant en emporte l'histoire, c'est fini pour ce soir. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster, sur notre site franceinter.fr. Vos commentaires sont les bienvenus, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. La semaine prochaine, nous atterrirons en Angleterre, dans le jardin de Charles Darwin, au moment où le grand naturaliste anglais s'apprête à publier L'origine des espèces. Ce livre, en 1859, va révolutionner la science et bouleverser notre vision du monde, pour le meilleur et pour le pire. J'aurai le plaisir de recevoir l'excellent Jean-Claude Amezen. 1859, Charles Darwin publie L'origine des espèces, c'est dimanche prochain dans Autant en emporte l'histoire.